humilié, la tête de mule, non lia. D'autres solutions viennent, les liens des têtus, les tuiles via. La haine au premier mot tronqué disant qu'est-ce qu'il y a pour job pillard de l'État. Et merde, on n'encule pas l'État. Vu qu'on est en plein dans le trou, en mauvais état. Ça disjoncte, tire autour de nous, ce qui nous donne espoir du loto compte. Ce sur la rampe qui rompt le bon sens, prend le plus grayé, rempériste à faire le planton, les billets. Pousse pas, seul le fils pousse et tous dans même que c'est trousse de chez Thanos pour nos méfaits. Argent sale, d'égal à égal, l'illégal, depuis tout petit attiré par le mal. Au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus de tout, y'a quoi? Y'a pas d'idéal, pas de morale, ici c'est normal. Quand les gens râlent, la gale et la dalle, vie anormale, vie où personne ne piche que dalle. Regarde-moi, regarde-toi, regarde autour de toi et moi, ici c'est normal. Tu sais mec, je fais l'acrobate sur un fil sans que je m'en batte trop les couilles qui coupent. De toute façon cette vie je la prends comme elle vient. Vas-y arrête de rêver, pas table de luxe, rien. Que LS, seul travail qu'on te laisse exploiter. Humilié, pète un plomb, tu stresses. Le terrain te nique comme la balle, tu fais beaucoup de dégâts, t'encaisses mal ton rôle. Tu vas être au-dessus des lois, choisis le cash illégal. Jeu cérébral, attends-toi à être déçu, mais rien ne pourra t'arrêter. Trop de billets t'empêchent de voir plus loin qui l'adversaire, qui peut ou l'ami plus loin. Y'aura que des morts lentes, des visages crades qui animeront le quotidien des sections au niveau au car au quotidien. Y'a plus de fossé anti TCC. Stopper le fléau, c'est comme arrêter un express qui va de sens sans frein. Mais quand tu sens qu'au-dessus de toi plane une commission rogatoire, c'est que ces bâtards veulent que ton nom soit changé par un numéro d'écrou au placard. Ces putains tapent dur le code de procédure. Tu veux que je te parle des décentes? Tu veux que je te parle des bifetons, des trottoirs et les murs de ma sente? Dans nos allées, les fleurs resteront mortes. On côtoie le bitume, ici on se débrouille, en fait on fait en sorte de rester debout, de plus s'attendrir d'avoir toujours l'œil sur les ripoux. Éviter au maxi le procureur, c'est avant tout éviter la flicaille, les poucaves et la merde d'ailleurs. Chacun est posté, quelque part chacun est armé pour y poster. Quoi? Ouais, rien que ça se frite, un contre trois, une belle façon de penser, plus personne hésite. On est tous enfermés, que ce soit dehors ou dedans, prédestinés à claquer demain ou maintenant. Un, je me contiens, au deux, si ça pète on intervient. La paranoïa sauve nos vies, conséquence, transpiration, quoi ces soucis? À deux doigts de flancher sous la menace de l'illégalité. Vie anormale, vie illégale, idéal d'une vie normale, détruit par la gale et la dalle, qui nous ont fait tomber dans une vie illégale. Argent sale, d'égal à égal, vie illégale, depuis tout petit attiré par le mal. Au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus de tout, y'a quoi? Y'a pas d'idéal, pas de morale, ici c'est normal. Quand les gens râlent, la gale et la dalle, vie anormale, vie où personne ne fiche que dalle. Regarde-moi, regarde-toi, regarde autour de toi et moi, ici c'est normal. Finesse illégale, c'est tant que ça, c'est tal que ça fait mal. C'est pas l'apologie du rap, mais son apogée. Vie illégale, vie anormale, sentimentale, bancale. Dans le ghetto, nos âmes couchent avec les ténèbres. Y'a plus de joie que de la tristesse, la survie au milieu de Kedev. Les cités devenues des dépotoirs, des coupes-gorges sales, où tu traînes pas le soir, même pas pour une apparition spéciale. Ça fait longtemps qu'on baigne dans un climat hostile, comme le Koweït, ville blindée de mines et de missiles. Argent sale, d'égal à égal, vie illégale, depuis tout petit attiré par le mal. Au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus de tout, y'a quoi? Y'a pas d'idéal, pas de morale, ici c'est normal. Quand les gens râlent, la gale et la dalle, vie anormale, vie où personne ne fiche que dalle. Regarde-moi, regarde-toi, regarde autour de toi et moi, ici c'est normal. Funeste, Haute-Seine, Val-de-Marne, vie anormale.